La danseuse impassible par André Cortis. Rennes nous avait convié à voir ces danseurs russes. Un régal, disait-elle, mais pour quelques élus. Et nous n'étions guère plus d'une dizaine réunis ce jour-là dans sa maison de Neuilly. C'est une maison déjà vieille. Les hivers sans soleil, l'humidité du bois l'ont pénétré longtemps et velouté sa pierre. Mais les pièces sont très grandes avec de hauts plafonds. Rennes reçoit ses amis dans le troisième salon qu'elle appelle l'atelier, parce qu'entre les fenêtres, tout le mur abattu a été remplacé par un vitrage unique. Elle y a ses livres, les cahiers bien reliés où elle note ses idées pour un roman dont elle parle et qu'elle écrira peut-être, et aussi quelques toiles sur lesquelles elle met de la couleur. Il lui arrive souvent de faire servir ses repas, et souvent de s'endormir pour la nuit entière parmi les coussins qui jonchent le tapis de Perse, violet et bleu. Elle juge plaisant de mettre du caprice dans ses goûts, ses habitudes de femme riche et vieillie, curieuse encore de tout et qui aime à l'amour. Depuis 2 semaines, elle ne nous parlait plus que de ses Russes. Elle les avait vus danser dans un restaurant de nuit à l'heure tardive et lourde où tout se décolore, des lèvres peintes des femmes jusqu'au rose bifusé, réduit à sa pointe extrême et qui ne révèle plus qu'une entame trop cuite. Elle mettait quelque excès dans son enthousiasme et notre curiosité à nous était en somme assez grande quand vers 1 heure du matin, sentant le froid, la nuit et je ne sais quel jasmin peu de front le flacon, Madame Ouliane et le danseur Petrov enfin arrivèrent. Le valet, pressé d'introduire ces pauvres gens qui venaient si tard, ne leur avait pas laissé le temps de se débarrasser dans le hall. Sous une vieille pelisse de fourrure aux poils rongés et rougis, la jeune femme relevait sa robe. Elle portait sous le bras roulé dans un journal ses petits souliers de satin et venant à pied du plus proche tramway, elle s'assit dans un coin pour enlever ses chaussures tournées, couvertes de boue. L'homme, à quelconque face plate de brute, presque asiatique, coiffé d'un bonnet d'astrakhan, roulait en boule son par-dessus minable et le jetait dans un coin. Alors, il apparut, mince, superbe de corps dans la redingote caucasienne qui lui serrant la taille, s'évasait largement sur les souples bottes noires. Deux rangées de cartouches, au culot de cuivre, paraît sa poitrine d'un jaune étincellement. Deux poignards étaient plaqués à son flanc par une ceinture de cuir. Bernard Laroche-Millet, qui fut à Pétrograd il y a 10 ans secrétaire d'ambassade et qui devait au piano accompagner les danses, voulut lui demander quelques indications. L'homme sembla ne comprendre ni le français ni le russe, et ce qu'il bredouilla était incompréhensible. Croisant ses deux bras sur sa poitrine, il restait à l'écart farouche et hébété. Mais dès les premières notes brusquement attaquées par Laroche-Millet, une frénésie l'envahit. Il saisit la jeune femme par les deux poignets, et l'ayant tirée comme entraîne une proie morte, jusqu'au milieu de l'espace réservé pour la danse au fond de la pièce, il commença de mimer autour d'elle je ne sais quelle bondissante et frénétique prière. C'était des tournoiements, c'était des bonds de bête, c'était une menace et une supplication, des bras dressés, tendus, battant comme de grandes ailes autour de la tête. La danseuse cependant s'émouvait à peine. Une longue robe de satin, d'un jaune doux et fané, l'enfermait toute du col à la pointe des pieds. Elle fuyait devant l'homme, mais à tout petit pas et sous l'étoffe mince, on distinguait à peine le frisson de ses longues jambes rapprochées. Souvent elle restait immobile, raidissant ses deux bras dans un geste de défense, quand l'autre de nouveau la prenait au poignet. Son regard, qui dédaignait de s'attendrir ou de s'effrayer, dédaignait même de se détourner. Et le contraste entre cette froideur extrême et cette furieuse passion irritée et multipliée, le sensuel plaisir à la façon de ces glaces que l'on savoure enveloppées d'une crème brûlante. Dehors, la pluie assaillait les vitres, qui semblaient toutes fendues de longs fils brillants. À cause de cette danse furieuse, on eût dit que la tempête était entrée dans la pièce. Une chaleur insoutenable venait du grand poêle que masquait un paravent. Un bouquet, un buisson plutôt, de mimosa mourait tout embaumé dans un immense vase bleu. Teinte, fardée, éclatante, pareil à un émail craquelé de sang fêlure, Rennes regardait de toute son ardeur. Son œil pâle clignotait derrière le face à main. J'étais assez près d'elle et je l'entendis murmurer tandis que nous applaudissions tous. Cette femme est curieuse. Elle n'a rien fait en somme que regarder cette espèce de cosaque se démener autour d'elle et c'est elle maintenant qui semble éreintée. Dans le petit visage rond de la danseuse, brillant de phare et de fièvre, une fatigue immense, dilatait l'œil très bleu. Elle sourit pour nous remercier, et quelque chose d'épuisé, de douloureux, tirait le coin de sa bouche peinte. D'autres danses ensuite nous plurent moins que celle-ci. Il a fallu recommencer, puis Reine ordonna que l'on servît le souper. Les grands plateaux de cuivre dans lesquels on l'apporta furent posés sur des tables basses. Nous nous assîmes par terre ou sur les coussins. Ouliane y glissa comme tombe une feuille morte, et sous le satin élimé de sa longue robe, elle ramenait ses petits pieds pour cacher que ses bas étaient d'un coton qui jouait la soie et qui la jouait mal. Les hommes s'empressaient à la servir. Elle acceptait avec joie, souriant à ses mondains hommages, comme à une habitude retrouvée. Mais Reine, d'un geste aimable, désigna près d'elle au Cosaque un grand carreau de velours bleu. Alors, nous vîmes la danseuse se dresser, dure, froide, dédaigneuse, comme elle était pendant la danse. Tout haut, sèchement, parmi notre stupeur à tous, elle protesta. « Non, lui va à l'office avec les domestiques. »« Comment ?» s'exclama Reine, et tout interloquée. « Votre camarade ?» L'homme, de nouveau, avait croisé les bras, impassible. De son menton dressé, Madame Williane lui désigna la porte. « Va !» ordonna-t-elle. Il obéit. Reine, ennuyée, parlait bas au valet qui apportait le champagne. « Occupez-vous, donnez-lui. Mais laissez donc !» fit Ouliane. Pour la première fois, nous entendîmes son rire qui était délicieux. Elle prit un sandwich, des petits fours et, toute assoiffée par sa danse, but avidement plusieurs coupes de champagne. Elle parlait avec nous dans un français excellent et elle continuait de rire. Soudain, ce rire s'étrangla dans un sanglot convulsif. La coupe qu'elle serrait dans sa main tremblait un peu. Ce qu'elle disait maintenant n'avait plus de rapport avec nos paroles à nous. Et nous vîmes bien qu'elle était tout à fait grise. « Laissez-la dire. « Taisez-vous, ordonna Reine, ce sera peut-être drôle. » Ce ne fut pas drôle, triste seulement, banal aussi. Madame Williane, tout haut, revivait son passé. Et c'était le récit que nous avons tous entendu. Moscou, de la fortune, une assez noble famille, et puis la révolution. La maison envahie, le mari entraîné, les serviteurs massacrés, la fuite, Paris, la misère. Ayant perdu toute conscience, elle monologuait doucement. Son œil nous cherchait tous et ne voyait personne. « Et j'ai dansé, » soupira-t-elle enfin, « j'ai dansé, parce que je l'avais rencontré un matin rue Mouffetard, où j'étais allé. Il y a là une boutique où on revend de vieux souliers. Lui en achetait aussi, il m'a reconnu. » Les danses de son pays, il les dansait le soir dans les restaurants. Ça lui faisait gagner de l'argent. Il m'a dit « Si tu veux, je t'apprendrai. » J'ai dit oui, parce que de l'argent, moi, je n'en avais plus du tout. Même les mauvais souliers qui me faisaient envie, c'est lui, ce jour-là, qui a fini de les payer. Son rire l'a repris, strident soudain, au point qu'il nous fit mal au nerf. Oh, c'est drôle. C'est si drôle, vraiment. Il m'a fait l'aumône, et lui, vous savez, c'était mon valet, à Moscou, l'homme qui faisait les courses, qui était comme un chien. Un paysan d'Ukraine qui ne sait même pas lire, danser seulement, danser les danses des paysans. Sa main tâtonnante allait vers la coupe vide. Reine saisit dans un des seaux une bouteille de champagne. Bernard Laroche-Millet vivement lui mit la main sur le bras. « Voyons, protesta-t-il, vous allez l'achever. » Mais Reine se dégagea et elle remplit la coupe si précipitamment qu'un flot de vin mousseux coula sur le tapis et grésilla, furtif, comme une flamme noyée. Ouliane but d'un seul trait. Bernard ôta la coupe de la main mollissante. Nerveuse, Reine essuyait ses doigts mouillés de champagne à sa robe brodée. Elle parla la première après un silence lourd. Nous habitons l'hôtel, un petit hôtel pauvre où sont beaucoup de Russes. Sa chambre à lui était bonne, il me l'a cédée, et il est maintenant où il doit être, à sa vraie place, dans une mansarde, sous les toits. Mais ce soir-là, demanda Reine, toute possédée de curiosité, ce soir dont vous parlez. Un instant, son masque, ardent et creusé, fut effrayant à voir. Nous avons dansé. Je n'en pouvais plus. Il m'avait ramené, porté presque jusqu'à la porte de ma chambre. Alors je ne sais pas. J'ai mis mes deux bras autour de son cou et je l'ai forcé d'entrer avec moi. Et après, oh, après, je lui ai craché à la figure. C'est mon valet, vous savez, mon valet de Moscou. Il vous a sauvé. C'est un brave homme. Je ne puis pas m'expliquer pourquoi vous le traitez si durement. Je me venge, dit Ouliane. Vous vous vengez. Et de quoi donc, de quoi ? Demanda Reine, avide, d'un soir. Ouliane restait encore comme elle était pour boire. La tête renversée, les yeux au plafond, un chien, moins qu'un chien. La honte et le dégoût tordaient la bouche douloureuse, toute blanche maintenant que le vin en avait lavé la peinture. Somnolente à demi, William balbutia quelques mots encore, mais en russe cette fois, et seule la Rochemille put les comprendre. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» demanda Reine. L'air, à petits coups pressés, passait entre ses lèvres. On voyait battre un peu sa narine poudrée. Bernard haussa les épaules. « Elle dit, répéta-t-il, pitoyable, qu'une autre fois, peut-être, sûrement, une autre fois, où elle n'en pourra plus, elle sait bien que cela recommencera. Mais elle sait bien aussi qu'après cette autre fois, elle se jettera dans la Seine. » Il proposa un bridge, et nous fîmes ensuite une partie de mahjong. William dormait. Le petit jour salissait le vitrage nu de l'atelier quand elle s'éveilla et voulut partir. L'un de nous alla chercher Petrov. Il le trouva seul, dans l'office déserté par les domestiques, la tête couchée sur la table entre ses bras repliés. Dormait-il ? Il fut debout au premier appel, brutal et distant. Une bouteille près de lui n'était diminuée que du contenu d'un seul verre. William avait remis ses gros souliers. En voyant l'homme, elle ne lui dit brièvement qu'un seul mot russe qui devait signifier « Allons ». Mais elle trébucha parce qu'un de ses lacets venait de se défaire. Du regard, elle le montra à Petrov. Il se mit à genoux, renoua le lacet avec soin et se releva sans regarder personne. Nous les accompagnâmes jusqu'à la porte. Ouverte, elle laissa entrer l'aube lugubre, mêlée de suie, de pluie. Cela se posa sur nos visages à tous, mais atteignit plus cruellement que les autres le visage de la danseuse. Le phare et la fièvre s'en étaient allés. La bouche gonflée de sommeil, les joues terreuses, les yeux battus, elle se révélait déchirante et sans force. Elle glissa, chancela dès les premiers pas qu'elle fit dans la boue, et Petrov, pour la soutenir, mit un bras autour de sa taille. Elle ne se défendit pas. Ainsi les vîmes nous s'éloigner, enlacés, sous les arbres sans feuilles, dans la pâleur, le froid de cet acide matin. Et Reine murmura. Si tout à l'heure elle était sincère, et si vous avez bien compris la Rochemillet, ça ne m'étonnerait pas que demain nous lisions le drame dans les journaux. Mais il faudra bien chercher. Ce sera la troisième page, et en petit caractère, parce que, n'est-ce pas, une femme qui se jette à la Seine. Ce n'est après tout qu'une bien banale histoire. C'était la danseuse impassible par André Cortis.